Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les quelques titres. La province scolaire de Karoussi a accueilli beaucoup d'enseignants redéployés à partir de Bururi et disent qu'ils mènent une vie misérable. Nous appellerons notre correspondant à Karoussi. Et entre-temps, les parents d'élèves de la 7e année à l'Ekofo, Rohiro, en commune Burambi de la province Rumonge, se lamentent que leurs enfants peuvent passer plusieurs jours sans vie, sans suivre les enseignements. Et puis, les immondices s'observent toujours dans les ménages de la zone Kamenge, en commune Nangwa de la mairie de Bujumbura, 2 semaines après l'autorisation donnée à certaines associations de les enlever. Dans le reportage du jour, nous irons en province de Ruyigi, où certains détenus, fabricants des corbeilles et paniers, affirment que ces activités leur sont d'une grande importance quant à leur réinsertion sociale. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. La province scolaire de Karoussi a accueilli beaucoup d'enseignants redéployés à partir de la province de Bururi. Ils disent qu'ils mènent une vie misérable. Et le président du syndicat STEP dit que les syndicats des enseignants sont au courant de leur vie qui est actuellement difficile et affirme qu'ils mènent déjà une campagne de solidarité pour le soutien de ces enseignants qui ont été redéployés. Signalons ici que même les autorités scolaires refusent certains de leurs droits, comme les permissions d'aller visiter leur famille. Le président du STEB était venu à Karoussi ce samedi pour s'enquérir de la situation, comme le rapporte notre correspondant Blaise Pascal Kararoumi. Les enseignants redéployés dans la province scolaire de Karoussi, et plus particulièrement les enseignants qui sont venus des autres provinces et nouvellement réaffectés à Karoussi, s'indignent qu'ils vivent actuellement des conditions misérables. Cependant, ils signalent qu'ils ont été bien accueillis par les responsables scolaires et administratifs de là où ils restent actuellement, mais regrettent certaines situations qu'ils disent empirer les situations financières. Certains parlent d'un ticket de voyage arrivant à leur salaire mensuel pour aller visiter leurs familles respectives et regrettent que les directeurs leur refusent les permissions de visite de leurs familles, arguant qu'ils doivent d'abord payer les cotisations de construction du stade de Karoussi qui est fixé à 3% du salaire mensuel. Ce que ces enseignants demandent, que ce soit une dispense, avoir leur situation de vie. S'adressant au président national du syndicat STEB, qui était venu ce samedi les rencontrer au chef-lieu de la province Karoussi avec les responsables de ce syndicat, il fustige aussi l'allocation des hommes scolaires qu'ils ont pu trouver dans certaines collines. Le président du STEB explique que sa visite s'inscrivait parmi les séances de sensibilisation de solidarité des enseignants au soutien des enseignants redéployés pour leur intégration sociale. Il indique que les syndicats des enseignants se sont mis ensemble pour cette campagne en vue de pouvoir aider les enseignants redéployés. Son responsable national du syndicat STEB indique que toutes les doléances justifiables de ces enseignants sont en train d'être collectées pour leur réhabilitation et cela dans leurs droits. Et puis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Enseignement toujours. Les parents d'élèves de la 7e année à l'Ekoforoero, en commune Burambi de la province Rumonge, se lamentent que leurs enfants peuvent passer plusieurs jours sans être enseignés suite au manque d'enseignants, alors qu'ils voudraient que leurs enfants soient transférés ailleurs. Prime Ndikoumana, directeur à cette école, dit qu'il n'y a aucun problème, comme le rapporte Jean-Pierre Misako. Selon certains parents d'élèves interrogés, 4 semaines viennent de s'écouler sans qu'un seul enseignant entre en 7e année, sauf quelquefois Prime Ndikoumana, directeur de cette école. Selon ses parents, le moment n'était pas encore opportun pour débuter les enseignements avec la classe de 7e année à cette école fondamentale de Rohero. En effet, poursuivent ses parents, même les classes inférieures n'ont pas d'enseignants suffisants et les parents doivent se payer 3 vacataires des classes de 2e année, 3e année et 4e année pour eux. Ces élèves de la 7e année devraient être transférés vers d'autres écoles proches qui n'ont pas ce problème de manque d'enseignants. Par ailleurs, ces parents réclament 2000 francs burundais par parent d'élève fréquentant cette école collectés pour l'achat des livres d'élèves de la 7e année, des livres que le ministère de l'Éducation a ensuite distribués et en quantité suffisante selon ses parents qui exigent que les vacataires soient régulièrement payés. Contacté à ce sujet, Prime Ndikuman a dit que le président du comité de gestion de l'école a avalisé la collecte de cet argent. S'exprimant sur ce manque d'enseignants, le directeur de l'école fondamentale de Rohero dit que les cours sont dispensés à la normale en 7e année, même si les habitants de la place déclarent assister à la jubilation des élèves en l'absence du directeur. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sécurité dans la suite de ce journal. Encore d'un jeune homme non identifié repose à la morgue de l'hôpital régional de Bururi depuis ce samedi. Les sources sur place à Bururi indiquent qu'il a été retrouvé en pleine route reliant Rumonga à Bururi, à quelques centaines de mètres du chef-lieu de cette province. Sans aucune blessure, Nestor Nijimbere, admis comme de Bururi, informe que la commune se chargera de son enterrement si sa famille ne parvient pas à être identifiée pour récupérer son corps dans 5 jours. C'est la 3e personne retrouvée morte en commune Bururi en moins d'un mois. Et une fille de 14 ans, nommée Chantal Nijimbere, a été tuée dans l'après-midi de dimanche au quartier Kiwogoye, au chef-lieu de la province Muyinga. Des sources administratives indiquent que cette fille, domestique dans un ménage de Kiwogoye, est tombée dans un piège de malfaiteurs alors qu'elle rentrait du marché. Des enquêtes sont en cours pour tenter d'attraper les auteurs ayant commis ce crime dans une maison en chantier quand il pleuvait abondamment. Les habitants des villages Gisekuro-Nyamugari en commune de Marangara de la province Ngozi demandent au président de la République de leur offrir des tôles pour la couverture de leur maison menacée par la pluie qui tombe ces jours-ci. Ces populations de Marangara parlent de grandes pertes s'ils ne reçoivent pas à temps ces tôles promises pour couvrir plus de 100 maisons construites en briques cuites. Apollinaire Muzagara. Les habitants de Marangara disent que le président de la République du Burundi a promis des tôles à tout ménage qui élèvera des murs d'une maison. Les populations ainsi que leurs administratifs collinaires des villages de Gisekuro, Nyamugari et le long des différentes routes proches de ce village indiquent qu'ils ont déjà construit 114 maisons en briques cuites. En cette période de saison de pluie, bon nombre de ces maisons sont menacées par ces pluies et des pluies. Ils demandent par conséquent au président de la République du Burundi de leur donner ces tôles en vue de sauver ces infrastructures en danger. Les habitants de Marangara parlent d'un vrai développement s'ils parviennent à vivre ensemble dans ces villages de plus de 100 maisons, toutes en briques cuites et couvertes de tôles. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire, on reste dans cette province d'Ngozi pour vous dire que les éleveurs de vaches de la commune Gashikanoa dans cette province sont satisfaits des services offerts par le centre de collecte de lait car ce dernier leur permet d'écouler leurs produits. Ils indiquent qu'auparavant il arrivait que le lait soit périmé par manque de marché d'écoulement. Alida Ndaikeza a été là pour nous, voici son reportage. Nous sommes au centre de collecte du lait de la commune Gashikanoa. Il y a plusieurs fûts et ustensiles servant à transvaser le lait. Un des éleveurs de vaches rencontrés sur les lieux indique que ce centre reçoit toute la quantité de lait qui est amenée. Après avoir fini de traire, nous acheminons le lait au centre de collecte. Ils peuvent accueillir n'importe quelle quantité que tu les ramènes. Il ajoute également qu'avant, il connaissait des pertes causées par les collecteurs qui se rendaient à leur domicile. On a connu des problèmes quand la collecte était faite dans nos ménages. Il arrivait qu'après une semaine ou deux, on nous disait que le lait qu'on leur avait donné était périmé. On encaisse une perte énorme dans ce genre de situation. La responsable de ce centre explique qu'avant de recevoir le lait, il doit faire des tests. Nous faisons des tests pour voir le lait qui peut être revendu ou pas. Le lait périmé, nous le rendons à son propriétaire. Il y a des éleveurs qui peuvent venir avec du lait en mauvais état, mais nous leur prodiguons des conseils pour avoir du bon lait. Ces éleveurs disent qu'il y a des bénéfices à acheminer le lait à ce centre. Il y a des avantages. Par exemple, tu peux avoir des problèmes qui nécessitent de l'argent. Ces travailleurs du centre peuvent t'accorder une avance sur paiement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les familles. Quand tu as quelqu'un qui est malade, tu peux avoir les moyens de le faire soigner sans problème. Chaque éleveur a un cahier où il note la quantité de lait livré qui va être consulté au moment du paiement à chaque fin du mois. Merci Alida Ndaïkeza. Je vous l'avais dit, des immondices s'observent dans certains ménages de la zone Kamenge en commune de Nahangwa, mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro font savoir qu'il y a plus de 2 semaines sans que les services concernés enlèvent ces immondices et craignent des maladies des mains sales. Ils demandent l'évacuation de ces déchets ménagers. Lydia Gahimbare, reportage. Arrivé dans certains ménages des quartiers Gituro et Heha et aussi au bord de différents pavés en train dans ces quartiers, on voit des sacs poubelles remplis de déchets ménagers se voler par des manchés. Certaines personnes vaquent leurs activités quotidiennes comme si rien n'était autour de ces sacs. Les personnes rencontrées sur place indiquent que ça fait plus de 2 semaines sans enlèvement de ces déchets ménagers et craignent qu'ils peuvent attraper des maladies de mains sales. Des agents de la mairie de Bujumbura venaient pour la collecte de ces immondices. Après quelques jours, ils ont arrêté leurs activités. Et après, nous avons été informés que ceux qui collectaient ces déchets ménagers auparavant vont revenir. Ils ont réanimé leurs activités, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça peut causer des maladies. Nous demandons qu'ils viennent pour les collecter. Et quant à nous, nous allons payer l'argent comme à l'accoutumée. Une autre personne fait savoir qu'ils ont payé de l'argent pour l'évacuation, mais ceux qui sont chargés de faire ce travail restent introuvables. Nous nous sommes déjà acquittés des frais relatifs à l'enlèvement des immondices il y a longtemps. Nous attendons qu'ils viennent les prendre, mais en vain. La plupart des habitants se plaignent de ce retard, malgré qu'ils ont déjà payé. Ils vont se débrouiller. Nous demandons que ces déchets ménagers soient enlevés, parce que nous craignons pour notre santé. Nous risquons d'attraper le choléra ou la dysenterie pour les enfants comme pour les adultes. C'est au moment où la mairie de Bujumbura a accordé la permission aux différentes coopératives pour collecter les déchets ménagers dans différentes communes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La Banque centrale du Burundi informe que désormais les bénéficiaires des transactions instantanées et en des comptes, en devises peuvent virer l'argent envoyé de l'extérieur sur leur compte. Selon Prosper Ngendanganya, directeur de la supervision et de la stabilité financière à la BRB, ceux qui n'ont pas de compte en devises peuvent soit retirer cet argent en monnaie locale ou demander qu'on leur ouvre un compte en devise. Explication avec Prosper Ngendanganya. En date du 27 octobre 2017, la Banque de la République a essayé donc de revoir la mesure prise de ne pas autoriser les bénéficiaires des transactions instantanées afin donc de toucher donc ces transferts instantanés en devise. La mesure prise est que maintenant ces bénéficiaires peuvent désormais toucher ces fonds en devise via les comptes ouverts dans les banques dans lesquelles ces transferts ont été effectués. Maintenant, il y a des bénéficiaires qui ont réellement besoin des francs mbou parce que c'est le franc burundais qu'on utilise uniquement ici au Burundi. Ils peuvent maintenant donc retirer directement les BIF donc via donc ces banques commerciales. Mais si réellement que ces bénéficiaires ont besoin de devises pour pouvoir effectuer donc différentes transactions, que ce soit les commerçants ou bien l'un ou l'autre besoin, par exemple le paiement donc des frais scolaires pour leurs enfants, ils peuvent maintenant constituer les devises sur leur compte pour pouvoir donc subvenir donc à ces besoins ultérieurement. Mais à vous entendre, on entend que ces transactions sont possibles pour les bénéficiaires ayant leur compte et devise. C'est une opportunité donnée aux personnes qui détiennent les comptes en devise parce que ils ont des besoins en devise. Comme ça, ils peuvent constituer maintenant les réserves pour effectuer donc les transactions ultérieurement. Sinon, s'il y a des personnes qui ont uniquement besoin des francs burundais, ils peuvent donc maintenant toucher directement ces fonds leur envoyer donc directement en francs burundais. En 2015, il y avait une facilité à tout le monde où chacun, si une fois il bénéficiait de l'argent transféré de l'extérieur, il pouvait retirer ça en devise. Est-ce que pourquoi ne pas aussi accorder cette opportunité à tout le monde? La Banque centrale prend les dispositions qui s'imposent à chaque fois que de besoin. Donc le moment venu, si on voit que le contexte l'oblige, nous allons prendre donc les dispositions qui s'imposent le moment opportun. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que le pays va gagner par rapport à la décision? Lorsque vous facilitez donc les opérations pour la population, mais les différents opérateurs, sûrement que donc le pays va gagner beaucoup donc par rapport à cette facilité accordée aux personnes qui avaient des besoins devises mais qui ne pouvaient pas bénéficier donc de cette opportunité pour constituer les réserves en devises pour faire face aux besoins ultérieurement. Prosper Ngendanganya, c'est le directeur de la supervision et de la stabilité financière à la Banque de la République du Burundi au micro de Placide Niyomwongere. Actualité sportive, le championnat national de football en première division était en sa 9e journée le week-end dernier. La formation Lydia Ludic est provisoirement première du championnat malgré l'égalisation avec Ngozi City samedi dernier. Après 4 victoires consécutives, l'équipe Vitalo a décroché ce samedi la 4e place. Et au basketball ce dimanche, il y a eu clôture des play-offs côté garçon. Les détails avec Evariste Nzikobanyanga. Ce samedi, au stade de Prince Louis Gwagasore, à 14h, le match qui a opposé Lydia Ludic et Burundi Sport for Africa et Ngozi City s'est soldé sur le score d'un but partout. À 16h, sur la même pelouse, Buja City a été battu à domicile par Messager Ngozi, un but à 0. Au stade de Ruyigi, Flambeau de l'Est a battu Flambeau du Centre de Gitega, 2-0. Au stade de Gitega, Musongati a battu Olympic Star de Muyinga, 3-1. Au stade de Vidzigiro de Rumonge, Vitalo a battu les Lières sur le score d'un 1-0. Ce dimanche, au stade de Presselu Gwagasore à 14h, Delta Star de Gatumba a égalisé avec les jeunes athlétiques 1-0. À 16h, Messager Bujumbura a aussi fait 1-0 avec Interstar. Après égalisation avec Ngozi City samedi dernier, Lydia Ludic et Burundi Sport for Africa s'est provisoirement classée première du championnat avec 22 points. Messager Ngozi est deuxième avec 21 points. En troisième position vient Aigle Noir avec 20 points. Vitalo est quatrième avec 17 points. Après avoir remporté 4 matchs d'affilée, en cinquième position vient Olympic Star avec 16 points. En 16e et dernière position du championnat, vient Delta Star avec 3 points. L'association de basketball de Bujumbura a organisé en fin du week-end dernier les matchs de play-off. Le match sanctionnant ces play-offs côté garçon a opposé ce dimanche Gymkhana et Kerné. C'est Gymkhana qui a remporté ce match avec 74 points sur 55 points de Kerné. À la source, reportage. Je vous l'avais annoncé dans les titres, le reportage du jour nous conduit à la prison de Ruyigi où certains détenus fabricants des corbeilles et paniers affirment que ces activités leur sont d'une grande importance pour leur réinsertion sociale. C'est le reportage de Mireille Kanyange qui a été à Ruyigi pour nous. Elle s'appelle Stéphanie Miburo et provient de la commune Gisagara de la province Cankuzo et fabrique des corbeilles à base de toutes sortes d'herbes destinées à cette fin. Elle dit que cette activité lui est d'une grande importance pour elle et pour sa famille. C'est différent de rester les bras croisés sans rien faire parce que quand on est occupé à faire une tâche, les pensées sont focalisées sur cette tâche et non sur ta condition carcérale. En peu de mots, l'occupation nous aide à oublier les mauvaises pensées, même si les frustrations ne manquent pas. Je ne compte pas arrêter. Je continuerai à faire ce métier parce qu'il me donne de l'argent, même si ce n'est pas suffisant parce que nous donnons nos produits aux personnes de l'extérieur pour vendre à notre place. Sinon, nos produits rapportent beaucoup. C'est une grande occupation et lui permet de ne pas penser chaque fois à sa vie de prisonnière. Mais chaque Vikorimana, quant à lui, fabrique des corbeilles et des paniers. Il est natif de la commune Nyabitsinda en province Ruyigi. Il affirme que cette activité apprise en prison l'aidera même au sortir de la prison. Cette formation m'a été d'un grand secours. Je vais chercher un endroit pour m'installer, pour commencer à travailler. Parce que l'argent de nos produits aide à subvenir à nos besoins. Il faut beaucoup sensibiliser les gens à apprendre différents métiers ici dans la prison centrale parce qu'une fois dehors, on continue à le pratiquer et cela contribue énormément à la réduction de la délinquance. Ce genre de métier n'est pas exercé par tout prisonnier, souligne Didmon Vukiye, directeur du département des affaires économiques et sociales au sein de la direction des affaires pénitentiaires. Non, les textes qui régissent la DGAP spécifient bien les catégories qui peuvent exercer le travail pénitentiaire. Le texte autorise les détenus seulement ayant déjà condamnés et en plus les détenus ayant de la force, exclut les détenus malades et les détenus prévenus. Les deux types de catégories, les prévenus et les détenus malades, ce sont les deux catégories qui ne peuvent pas exercer de travail qui demande de la force de travail pénitentiaire. Il appelle ainsi ces prisonniers autorisés à exercer de telles activités à plus de travail car ça les aidera dans leur réinsertion sociale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Au Burkina Faso, 10 pays des hommes intègres, le frère cadet de Blaise Compaoré a été interpellé par la police française ce dimanche matin à son retour d'Abidjan. Il est poursuivi par la justice de son pays dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Au Gabon, Owono Nguema, 6e vice-président du Sénat gabonais, est dans le collimateur de la justice de son pays. Il est poursuivi pour avoir appelé à contrer le chef de l'État sur le terrain. Et en Somalie, ce sont des responsables de la sécurité qui ont été démis de leurs fonctions et ils payent le coût des attentats devenus monnaie courante dans la capitale. Ornella Mucho. Au Burkina Faso, le frère cadet de Blaise Compaoré a été interpellé par la police française ce dimanche matin à son retour d'Abidjan à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Selon le site internet de la Radio France Internationale, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Le frère cadet de Blaise Compaoré est visé depuis mai par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998, pour lequel il est formellement inculpé d'incitation à assassinat. En Somalie, les membres du gouvernement de ce pays, après en avoir délibéré dans un conseil des ministres, ont voté pour le renvoi des deux responsables, le chef de la police et le chef de l'Agence nationale des renseignements. Les informations que nous devons à l'agence de presse française AFP, cette décision intervient des semaines après l'attentat au camion piégé jeudi 14 octobre dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, qui avait fait au moins 358 morts et 228 blessés. Le bilan de l'attaque du samedi à Mogadiscio, revendiqué par les islamistes somaliens Shebab, s'élève désormais à 27 morts, un nouvel attentat qui a coûté leur poste au chef de la police et des renseignements. Au Gabon, Christophe Owono Nguema, 6e vice-président du Sénat gabonais, est convoqué ce lundi à la gendarmerie à Libreville. Selon le site internet de la BBC, il a été convoqué suite à ses propos qualifiés par la justice comme une incitation à la révolte, ce qui pourrait constituer un délit flagrant. Lors d'un entretien télévisé, le 19 octobre, Nguema avait appelé à contrer le chef de l'État sur le terrain et avait dénoncé à la monarchisation du Gabon en référence au projet de révision de la Constitution qui agite la classe politique gabonaise depuis une semaine. Merci Ornella Mucho, stagiaire à notre station. C'est sur ces nouvelles en actualité internationale que nous bouclons ce journal à 13h18 à Bujumbura. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. C'est Toussaint Mitevoutsi qui l'a mis en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi. Oh,